ترضى بهيجي انت؟ ترضى بهيجي ظلم؟ انت اكو عندك انسانية؟ اذا عندك انسانية تقدر تشوف طفلة وهي تصيح ماما ماما؟ وين الانسانية؟ وين الضمير؟ مدنيين هي كذا بيت عمنا كله مدنيين لك هم عسكريين كله مدنيين هاي ضغوط من الله ينتقم منا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل خمس جنازات من جنازات بعد بيت يا الله يا الله يا الله يا الله الله ينتقم منا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. Donc encore une fois, hein, hier c'est parti en polémique, malheureusement. Pourtant j'essaie de tout faire personnellement pour éviter de rentrer dans les polémiques, mais je ne peux m'empêcher d'intervenir parfois et d'essayer de comprendre et d'essayer d'avancer sur certains sujets. Tellement ce que je lis ou ce que j'entends, c'est grave, venant de la part de certains musulmans. Alors c'est normal en réalité qu'il y ait des polémiques, hein. Je viens de le comprendre. Je pensais que avant ça venait de moi. Je pensais que j'étais trop réactionnaire, que j'étais trop nerveux, que je démarrais au quart de tour, que j'étais trop impliqué, trop passionné par ma religion. Donc j'en venais à des grandes fitnas, des grandes confrontations et des grands débats. C'est pour ça qu'il y a 2-3 jours, j'ai fait une audio pour expliquer que je m'éloignais des fitnas, que je m'éloignais de tous les grands débats, car ça me faisait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais en réalité, c'est quasiment impossible, hein. Quand on regarde bien, c'est incroyable. Quand on voit en réalité de quoi est composée aujourd'hui la Oumma et par qui elle est composée, mais on est forcément obligé de rentrer dans des fitnas interminables. On est forcément obligé de rentrer dans des polémiques. Parce que pour le moindre sujet, qu'il soit petit ou grand, à partir du moment où on vient remettre en question une personne, où on vient apporter une critique, où on vient essayer de séparer le faux du vrai, ben là on voit débarquer une dizaine de personnes avec des méthodologies différentes, avec des minhages différents, appartenant à des groupes, venir contre-argumenter, venir au milieu du débat, de la discussion, avec leur passion et leur aveuglement, et forcément, derrière, ça part en confrontation, en polémique, en fitna, c'est argument contre argument, méthodologie contre méthodologie, vision contre vision. Et voilà. Et là, ça finit jamais. Ça peut durer des heures, des semaines, des mois, des années. Et voilà. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à mettre en évidence le haq, la vérité pure et dure, et rien d'autre. Parce que moi, je vous le dis clairement, je ne fais partie d'aucun groupe. Je déteste les groupes. Depuis que je suis petit, je trouve que les groupes, c'est quelque chose de dangereux. Car ils peuvent nous emmener dans des voies d'égarement et d'aveuglement très dangereux pour notre personne. Je déteste m'associer à un groupe. Je suis ni nationaliste, ni communautariste, ni tribaliste, et encore moins sectaire, faisant partie d'un groupe particulier religieux. Je trouve ça horrible, petit, décadent et sans valeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité pure et dure. Et je suis venu à l'islam, j'ai découvert l'islam parce que j'ai découvert ce que c'était la méthodologie des gens de vérité et des gens de science. Et je refuse aujourd'hui qu'on vienne me raconter des histoires comme si on voulait me faire croire au Père Noël, alors que je suis plus un gamin, même si j'ai 29 ans et que j'ai une voix d'enfant, tout le monde me le dit, je ne suis pas un gamin. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Et alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal m'a ouvert la conscience, le cœur, et m'a donné la possibilité de discerner entre le vrai du faux, m'a donné la clairvoyance, alhamdoulilah, Je discute souvent avec des gens qui ont 50, 60, 70 ans de politique, d'économie, de géopolitique et de religion, et ils sont extrêmement bas. Donc l'âge ne veut rien dire. Je peux très bien avoir en réalité 100 ans, 150 ans, 1000 ans. La science n'a pas d'âge. C'est plus on a de science, et plus on est respectable, et plus on est fort psychologiquement, et personne ne pourra nous manipuler ou nous déstabiliser avec des choses de passion et avec des mensonges. Sachez que hier c'est parti la polémique, tout simplement car on s'est mis à discuter par rapport à un chir en Syrie. Alors au départ, moi je le connaissais pas, j'ai juste entendu qu'il soutenait Bachar al-Assad, donc j'étais plutôt heureux qu'il soit éliminé, pas que je me satisfasse de la mort d'une personne, c'est juste que c'est un ennemi de l'islam, c'est un ennemi d'Allah Azzawajal, et je suis content quand l'islam l'emporte sur les traîtres. Après, j'ai lu l'article d'une sœur qui avait l'air d'être scandalisée qu'on critique ce chir, qui avait l'air d'apporter des arguments et des éléments. Donc j'ai fait marche arrière, je me suis dit, bon, peut-être que je suis trop extrémiste, que j'y suis trop allé trop rapidement, c'est vrai que je ne le connais pas. Donc j'ai commencé à écouter les arguments des personnes de droite et de gauche pour essayer d'en savoir un peu plus. Et en réalité, je me suis rendu compte que dans la Oumma, il y a encore des gens de passion, il y a encore des gens de mauvaise foi, il y a encore des gens qui sont aveuglés par leur groupe et qui essaient de justifier l'injustifiable et qui finissent au final, c'est ça le plus grave, par nous traiter d'extrémistes, de khawarij, comme si on était des passionnés du takfir, qu'on jetait l'anathème du matin jusqu'au soir et que c'était notre nouvelle religion, enfin, des gens qui nous stigmatisent parce qu'on essaie de toucher au plus près la vérité et de remettre les choses dans les cases qui leur correspondent. C'est incroyable tout de même de ne pas reconnaître un certain nombre de choses qui me paraissent évidentes. C'est Allah Azzawajal qui connaît le secret des cœurs et qui connaît le secret des intentions. Nous, on juge par rapport au Coran et à la Sunna, par rapport à une méthodologie, et par rapport aux actes. Ne me racontez pas des histoires, ne tournez pas autour du pot, n'essayez pas de trouver des chemins où vous me baratinez avec des textes qu'on met une heure à lire. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ce savant est un vendu? Est-ce que ce savant soutient des criminels comme Bachar al-Assad, un des plus grands ennemis de l'islam du XXIe siècle, un criminel qui tue des enfants, des femmes, des vieillards avec des armes chimiques, des dizaines de milliers de personnes. Est-ce que ce chir, soutient un criminel? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Si ce chir soutient un criminel, c'est que lui aussi c'est un criminel. Et que lui aussi, c'est un vendu. Et je ne le dis pas par ma propre opinion, je le dis par rapport au Coran et à la Sunna. Donc revenez au Coran et à la Sunna, et vous arriverez, Inch'Allah, aux mêmes conclusions. Il y a des annulatifs dans l'islam, il y a des gens qui peuvent basculer rapidement d'un état de musulman à un état d'hypocrite, de vendu, de personnes qui seront au dernier étage de l'enfer, et à partir de là, on ne peut rien dire d'autre. Il y a des annulatifs, il y a des choses qui permettent dans la jurisprudence de porter un statut sur une personne bien précise. Que cette personne elle a écrit 40 livres, que c'est soi-disant un éminent savant, que tout ce que vous voulez, si cette personne, il y a un certain nombre de preuves sur elle, il faut statuer sur elle. Il ne faut pas commencer à tourner autour du pot. Si vous pensez que les ennemis de l'islam vont placer à la tête des institutions musulmanes, à la tête des institutions des savants qui sont ignorants, mais vous vous trompez. C'est la première technique de manipulation. C'est une technique de manipulation de base qu'un enfant de 5 ans peut comprendre. On va pas placer des ignorants à la tête des institutions musulmanes. On va placer des personnes qui ont un minimum de savoir, qui connaissent l'arabe, qui connaissent le Coran, qui connaissent la science des hadiths, qui savent s'exprimer, des personnes par exemple comme Tariq Ramadan, mais, et pourtant, cette personne est un ennemi de l'islam. Il peut avoir écrit tout ce que les livres, tous les livres qu'il veut, avoir fait toutes les conférences qu'il veut, se prétendre être un représentant de l'islam sincère. Vous savez, vous le voyez, oui, il parle l'arabe, il connaît le Coran par cœur, il est très crédible quand il s'exprime. Mais en réalité, quand on l'étudie bien, quand on écoute bien qui il est, quel est son parcours et ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est un opposant à l'islam authentique et c'est un hypocrite, que vous le vouliez ou non. Moi, j'ai eu du mal au départ, j'ai cherché pendant plus de 3 ans sur sa personne et sur d'autres personnes et je me suis rendu compte effectivement que ce genre de personnes ont le statut d'apostat. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la jurisprudence islamique. Et beaucoup de savants ont statué sur son cas. C'est quelqu'un qui rend licite ce que Allah Azzawajal a rendu illicite et qui rend illicite ce que Allah Azzawajal a rendu licite. Et tout cela, bien évidemment, en connaissance de cause. Ne parlons pas des dizaines de sujets sur lesquels il s'est penché, il a donné son avis, où il est en totale contradiction avec le Coran et la Sunna. En connaissance de cause, ne parlons pas de l'Institut du Qatar qu'il est en train d'ouvrir pour changer les fondamentaux de l'islam dans sa profondeur. Donc, pour revenir au sujet, les techniques de manipulation sont simples. À la tête des institutions musulmanes, les ennemis de l'islam vont placer des gens qui ont un minimum de science, qui ont un minimum de crédibilité, pour être écouté par les musulmans, pour être suivi par les musulmans, et tout ceci va permettre d'égarer la masse musulmane, d'essayer de changer l'islam dans ses fondamentaux, et au final de soutenir des taroutes, des criminels de guerre contre les musulmans. Et aujourd'hui, vous voulez venir nous faire pleurer sur ce chir. C'est comme si demain, Chalgoumi allait mourir et vous allez nous demander de pleurer sur Chalgoumi. Non mais faut arrêter un moment, hein. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots, hein. Faut être sérieux, hein. Chalgoumi défend Hollande, défend le gouvernement français contre les interventions au Mali et ailleurs. Si il meurt, j'en ai rien à foutre, personnellement. Et je serais plutôt heureux car c'est un ennemi de l'islam. Et le prophète alayhi salatu salam, on peut le retrouver dans plusieurs hadiths concernant l'eschatologie islamique et la fin des temps. On le sait qu'il y aura des savants égareurs et ils seront considérés auprès de Allah Azzawajal comme les pires humains de toute l'histoire de l'humanité, ces savants-là. Ils se porteront aux portes de l'enfer. Et tout le monde va les suivre et vont tomber en enfer. Et pour les reconnaître, le prophète alayhi salatu salam a dit que c'était des gens qui parlaient notre langue. Donc il faut arrêter d'être surpris quand on vous dit que tel chir est un vendu, tel chir est un traître. Il faut avoir du discernement et de la clairvoyance à ce moment-là. Dernière chose, concernant les soufis. Moi, quand je me suis converti à l'islam, je ne savais pas qu'il y avait autant de groupes. C'est en lisant beaucoup de bouquins, en regardant beaucoup de conférences, que j'ai commencé à voir qu'il y avait des différences. Aujourd'hui, je me désavoue de tous ces groupes-là. Les soufis, je les ai faits, je les ai lus, je les connais très bien. Ibn Khaldoun, Ibn Al-Arabi, comment il s'appelle? Rumi, enfin plein d'autres, j'ai lu beaucoup de bouquins d'eux, c'est très intéressant, il n'y a pas de souci, mais j'ai constaté des égarements chez eux, c'est des gens qui se prennent, les maîtres spirituels soufis se prennent pour des prophètes, ils se croient au-dessus des prophètes, ils pensent recevoir des révélations, c'est quelque chose, c'est une hérésie en islam, les maîtres soufis, enfin, sont pris par leurs disciples comme des demi-dieux, Donc ils intercèdent pour leurs disciples, ils leur disent quoi manger, comment s'habiller, est-ce qu'ils veulent partir en vacances ou pas. Toutes ces choses-là sont une aberration en islam. Ils prient sur les morts, ils sont très légers sur certaines règles islamiques, sur la mixité, sur la musique, la pudeur, sur le voile, sur plein de choses. C'est des gens qui sont très sensibles à certaines voies d'égarement. Et moi, ça ne me plaît pas. Je me désavoue de tous ces groupes-là. Ce qui m'intéresse, c'est la méthodologie du prophète alayhi salatu salam et des compagnons. L'islam authentique, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas 73. C'est les gens qui ont décidé de se diviser en 73 groupes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'islam authentique. Et si demain, une personne que je soutiens depuis 10 ans, que je suis depuis 10 ans, ou un savant, se met à s'égarer et à venir contre l'islam authentique, je me désavouerai de lui sans aucune hésitation. Je ne vais pas donner plus de crédit, plus de valeur aux paroles d'un homme qu'à ceux de Allah Azawajal et de son prophète, alayhi salatu salam. C'est clair et net. Je ne suis pas quelqu'un de patient, je ne suis pas un vendu, et je crains Allah Azawajal. Et je vous demande d'essayer d'en faire autant. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah Azawajal nous éprouve pour mieux nous guider. Assalamu alaikum. القوات الدولية؟ أين جيش مصر؟ أين جيش سوريا؟ أين جيش الأردن؟ أين جيش الخليج؟ أين جيش اليمن؟ أين جيش الجزائر؟ أين جيش إندونيسيا؟ أين قنابل باكستان؟ لمن صنعت هذه؟ ولمن أعدت هذه الجنود؟ أيها الناس، أتحدث إليكم بلوعة وألم وأنين في قلبي. أتحدث إليكم وأذكركم ستقفون يوما أمام الله عز وجل أمام من لا تخفى عليه خافية خصمكم يوم القيامة الطفل يقول يا رب خذلتني أمة الإسلام خذلتني أمة القرآن وقد جاء رمضان ولم تحرك الأمة ساكنا فمتى تتحرك؟ متى تدرك الأمة قضيتها؟ متى تعود الأمة إلى إسلامها؟ ماذا تنتظرون أن يفعل بنا الكافرون؟ هل تنتظرون أن يفعلوا بنا أكثر من ذلك؟ وهم الله قد فعلوا!